Méthode détaillée pour pratiquer l'augmentation des vibrations. 1. Introduction à la montée en vibration. Bienvenue dans le monde de la montée en vibration, une pratique qui nous invite à puiser dans le pouvoir transformateur de l'énergie et à élever notre bien-être général. Dans cet article, nous explorerons le concept de vibration et son lien avec nos états émotionnels, mentaux et spirituels. En comprenant les avantages de la pratique de la montée en vibration, nous pouvons débloquer une plus grande clarté, un équilibre émotionnel et une connexion spirituelle dans nos vies. Nous plongerons dans diverses techniques qui peuvent être utilisées pour augmenter notre vibration et fournirons des conseils sur le développement d'une routine de pratique personnalisée. De plus, nous aborderons les défis courants qui peuvent survenir lors de l'intégration de cette pratique dans notre vie quotidienne et proposerons des stratégies pour les surmonter. Alors, embarquons dans ce voyage éclairant et découvrons les méthodes détaillées pour pratiquer la montée en vibration. Méthode détaillée pour pratiquer l'augmentation des vibrations. 1. Introduction à la montée en vibration. Qu'est-ce que l'augmentation des vibrations? Imaginez que vous êtes sur un nuage neuf, que vous marchez sur le soleil et que vous faites une danse joyeuse en même temps. C'est le genre d'état de haute vibration dont nous parlons ici. L'augmentation des vibrations fait référence à l'élévation de vos niveaux d'énergie et à l'augmentation de votre fréquence globale vers un lieu de positivité, de joie et d'alignement. Importance de pratiquer la montée en vibration. Pourquoi devriez-vous vous soucier de l'augmentation des vibrations? Eh bien, en plus de se sentir comme une rockstar sur des montagnes russes, il a des avantages assez incroyables. Lorsque vous vibrez à une fréquence plus élevée, vous attirez plus de positivité dans votre vie, manifestez vos désirs plus facilement et ressentez un plus grand sentiment de bien-être. C'est comme avoir votre propre super pouvoir qui rend la vie plus géniale. 2. Comprendre le concept de vibration. Expliquer les bases des vibrations. Passons aux choses sérieuses sur le fonctionnement de toute cette vibration. Tout dans l'univers, y compris nous, est constitué d'énergie vibrant à différentes fréquences. Tout comme différentes notes de musique, nos pensées, nos émotions et nos actions ont leur propre vibration unique. La clé est de syntoniser les bonnes vibrations, de se débarrasser des mauvaises vibrations et de danser au rythme de la positivité. Le lien entre les vibrations et l'énergie. Considérez les vibrations et l'énergie comme des meilleurs amis qui traînent toujours ensemble. Lorsque votre énergie est vibrante et circule librement, votre vibration augmente naturellement. D'un autre côté, lorsque votre énergie stagne ou est bloquée par la négativité, eh bien, vos vibrations plongent. En comprenant cette connexion, vous pouvez prendre en charge votre énergie et devenir le DJ de votre propre soirée. 3. Identifier les avantages de la pratique de l'augmentation des vibrations. Amélioration du bien-être émotionnel. Imaginez ceci, au lieu de vous sentir comme un ballon piégé prêt à éclater, vous vous sentez aussi léger qu'une plume, même lorsque la vie vous lance des citrons. Pratiquer l'augmentation des vibrations vous aide à naviguer plus facilement dans les montagnes russes des émotions, vous apportant un sentiment d'équilibre émotionnel et une nouvelle capacité à gérer tout ce qui se présente à vous. Amélioration de la clarté mentale et de la concentration. Avez-vous déjà eu l'impression que votre cerveau était un tas de spaghettis désordonnés? Lorsque vous augmentez votre vibration, c'est comme envoyer un éclat de clarté à votre esprit. Il vous sera plus facile de vous concentrer, de prendre des décisions et de puiser dans votre génie créatif. Dites adieu au brouillard cérébral et bonjour à l'acuité mentale. Connexion spirituelle renforcée. Nous ne parlons pas ici de rejoindre une secte, mais plutôt d'approfondir votre connexion à quelque chose de plus grand que vous-même. Lorsque vous élevez votre vibration, vous ouvrez les portes de la croissance spirituelle et expérimentez un sentiment d'unité avec l'univers. C'est comme avoir une hotline vers le système de guidage cosmique, vous aidant à naviguer dans les méandres de la vie avec grâce et une touche de flair cosmique. 4. Explorez diverses techniques pour pratiquer la montée en vibration. Méditation et visualisation. Qui a besoin de vacances tropicales quand on peut s'évader au paradis dans sa tête? Les techniques de méditation et de visualisation sont des outils puissants pour élever votre vibration. En calmant votre esprit et en visualisant des résultats positifs, vous pouvez passer votre énergie à une vitesse supérieure, laissant le stress et les soucis dans le rétroviseur. Respiration et pranayama. Inspirez profondément et laissez aller tout ce bagage à faible vibration. Le travail respiratoire et le pranayama, la pratique de la respiration contrôlée, peuvent avoir un impact profond sur votre vibration. En utilisant intentionnellement votre respiration pour nettoyer, dynamiser et équilibrer votre corps, vous pouvez créer un flux constant de vibrations à haute fréquence qui vous donneront l'impression de flotter sur un nuage. Guérison par le son et mantra. Si vous êtes un mélomane, cette technique vous plaira. La guérison par le son et les mantras implique l'utilisation de sons et de vibrations spécifiques pour harmoniser votre énergie. Que ce soit en chantant des mantras sacrés ou en vous prélassant dans les tons apaisants des bols chantants, ces pratiques peuvent vous aider à accorder vos vibrations à la fréquence du pur bonheur. Alors, préparez-vous à faire vibrer votre monde et à élever votre énergie. Pratiquer l'augmentation des vibrations, c'est comme donner à votre vie une mise à niveau étincelante. Embrassez le pouvoir des vibrations positives et regardez l'univers danser sur vos airs à haute fréquence. 5. Développer une routine personnalisée de pratiques d'augmentation des vibrations. Définir des objectifs et des intentions spécifiques. Lorsqu'il s'agit de pratiquer la montée en vibration, il est important d'avoir des objectifs et des intentions claires. Prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez accomplir et à ce que vous voulez ressentir. Cela peut être quelque chose d'aussi simple que de vouloir vivre plus de joie et de paix dans votre vie ou de vouloir attirer des opportunités positives. Quoi qu'il en soit, soyez précis et écrivez-le. Cela vous donnera une orientation claire. Pour votre pratique, création d'un programme d'entraînement structuré. Pour vous assurer que vous consacrez réellement du temps à la pratique de la montée en vibration, il est utile de créer un programme de pratique structuré. Considérez combien de temps vous pouvez consacrer de manière réaliste chaque jour ou semaine et créez une routine qui vous convient. Cela peut être aussi court que 10 minutes le matin ou une session plus longue le soir. La clé est d'être cohérent et d'en faire une partie non négociable de votre journée. Adaptez les techniques aux préférences individuelles. Il existe diverses techniques et pratiques que vous pouvez explorer pour augmenter votre vibration, et il est important de trouver ce qui résonne en vous. Certaines personnes trouvent du réconfort dans la méditation, tandis que d'autres préfèrent tenir un journal ou s'engager dans des activités créatives. Expérimentez différentes techniques et voyez ce qui vous apporte le plus de joie et d'alignement. N'oubliez pas qu'il n'y a pas d'approche unique, alors faites confiance à votre instinct et adaptez votre pratique en fonction de vos préférences. 6. Surmonter les défis et les obstacles dans la pratique de l'augmentation des vibrations. Gérer les distractions et les influences négatives. Dans nos vies bien remplies, les distractions et les influences négatives sont inévitables. Il peut s'agir des actualités, des médias sociaux ou même des personnes négatives de notre environnement. La clé est d'être conscient de ces distractions et de choisir consciemment de s'en détacher pendant votre pratique de montée en vibration. Créez des limites, limitez votre exposition à la négativité et entourez-vous d'influences positives pour vous aider à rester concentré et à maintenir une vibration plus élevée. Maintien de la cohérence dans la pratique. La cohérence est essentielle lorsqu'il s'agit de pratiquer la montée en vibration. Cependant, il est inévitable de rencontrer des jours où la motivation est faible ou où la vie se met en travers du chemin. Pendant ces moments, rappelez-vous vos objectifs et les effets positifs de votre pratique. Soyez doux avec vous-même et comprenez qu'il n'y a rien de mal à avoir des jours de repos. Au lieu de vous battre, trouvez des moyens de vous remettre sur les rails. Parfois, il suffit d'un petit engagement, comme quelques minutes de respiration profonde ou d'écoute de musique inspirante, pour relancer votre pratique. Gérez la résistance intérieure et le doute. Nos esprits peuvent être nos pires ennemis, souvent remplis de doutes et de résistance. Lors de la pratique de la montée en vibration, il est important de reconnaître ces obstacles internes et de les surmonter. La tenue d'un journal, les affirmations ou la recherche de soutien auprès de personnes partageant les mêmes idées peuvent vous aider à changer votre état d'esprit et à surmonter ces défis. N'oubliez pas que vous avez le pouvoir de dépasser vos doutes et d'exploiter votre potentiel. 7. Intégrer l'augmentation des vibrations dans la vie quotidienne. Insuffler de l'énergie positive dans l'environnement. Créer un environnement positif autour de vous peut grandement soutenir votre pratique de la montée en vibration. Entourez-vous de citations édifiantes, de couleurs vibrantes et d'objets qui vous apportent de la joie. Gardez votre espace propre et organisé, car un environnement sans encombrement peut contribuer à un esprit plus clair. En insufflant une énergie positive dans votre environnement, il vous sera plus facile de maintenir une vibration élevée tout au long de la journée. Cultivez la gratitude et la pleine conscience. La gratitude et la pleine conscience sont des outils puissants pour augmenter votre vibration. Prenez du temps chaque jour pour apprécier les bénédictions de votre vie et cultiver un sentiment de gratitude. Pratiquez la pleine conscience en restant présent et pleinement engagé à chaque instant. Faites appel à tous vos sens et savourez les expériences qui vous entourent. En étant reconnaissant et attentif, vous augmenterez naturellement votre vibration et attirerez plus de positivité dans votre vie. Entretenir des relations et des connexions positives. Les personnes avec lesquelles nous nous entourons peuvent avoir un impact considérable sur notre vibration. Recherchez des relations positives et entretenez des liens avec des personnes qui vous élèvent et vous inspirent. Entourez-vous de personnes qui croient en votre parcours et soutiennent votre croissance. Engagez des conversations significatives, partagez vos rêves et collaborez avec des personnes partageant les mêmes idées. En vous entourant de relations positives, vous créerez un réseau de soutien qui contribuera à votre élévation globale des vibrations. 8. Conclusion et autres ressources pour pratiquer l'augmentation des vibrations. En conclusion, pratiquer la montée en vibration consiste à se fixer des objectifs, à maintenir la cohérence et à insuffler de la positivité dans tous les aspects de votre vie. N'oubliez pas d'adapter votre pratique à vos préférences et de surmonter les obstacles qui pourraient survenir. En incorporant la montée en dans votre routine quotidienne et en vous entourant de positivité, vous débloquerez un monde de joie, d'abondance et d'alignement. Si vous recherchez d'autres ressources pour approfondir votre pratique, envisagez d'explorer des livres, des podcasts ou des ateliers sur des sujets tels que la méditation, la guérison énergétique ou la croissance personnelle. Nous allons d'ailleurs aborder chacun de ces sujets dans Spirituality 360. Il existe une infinité de possibilités pour soutenir votre parcours d'élévation de votre vibration, alors gardez l'esprit ouvert et embrassez l'aventure qui vous attend. Alors que nous concluons notre exploration des méthodes détaillées pour pratiquer la montée en vibration, nous vous encourageons à adopter cette pratique transformatrice et à l'intégrer dans votre vie quotidienne. En augmentant votre vibration, vous pouvez expérimenter de profonds changements dans votre bien-être émotionnel, votre clarté mentale et votre connexion spirituelle. N'oubliez pas de rester cohérent, de rester ouvert au processus et d'adapter les techniques en fonction de vos préférences individuelles. D'autres ressources, telles que des livres, des ateliers et des communautés en ligne, sont disponibles pour ceux qui souhaitent approfondir leur compréhension et élargir leur pratique. Embrassez la puissance de la montée en vibration et observez son impact positif sur tous les aspects de votre vie. FAQ 1. Que signifie augmenter votre vibration? L'augmentation de votre vibration fait référence à l'acte intentionnel de déplacer votre énergie vers une fréquence plus élevée et plus positive. Cela implique de cultiver des émotions, des pensées et des actions positives pour élever votre bien-être général et vous aligner sur des états de conscience plus élevés. 2. Combien de temps faut-il pour voir les bienfaits de la pratique de la montée en vibration? Le temps qu'il faut pour ressentir les avantages de la pratique de la montée en vibration peut varier pour chaque individu. Certains peuvent remarquer des changements immédiats dans leur humeur et leur énergie, tandis que d'autres peuvent nécessiter une pratique constante sur une période de temps pour être témoin de changements significatifs. Il est important d'aborder la pratique avec patience, dévouement et ouverture d'esprit. 3. Puis-je pratiquer la montée en vibration même si je suis nouveau dans la spiritualité ou le travail énergétique? Absolument. La montée en vibration est accessible aux individus de tous horizons, quel que soit leur niveau d'expérience avec la spiritualité ou le travail énergétique. C'est une pratique qui peut être adaptée en fonction de vos croyances et préférences personnelles. Commencez par explorer les techniques partagées dans cet article et adaptez-les pour les aligner sur votre propre parcours. 4. Comment puis-je intégrer la montée en vibration dans mon quotidien chargé? Intégrer la montée en vibration dans une vie quotidienne occupée peut être difficile, mais c'est certainement possible. Commencez par incorporer de petites pratiques dans votre routine, comme prendre quelques instants pour pratiquer la respiration profonde ou exprimer votre gratitude. Trouvez des plages de temps tout au long de la journée pour vous engager dans des activités qui augmentent votre énergie, comme écouter de la musique édifiante ou passer du temps dans la nature. La cohérence et l'intention sont essentielles pour cultiver une pratique durable. Maintenant, voici une méthode détaillée que vous pouvez suivre pour pratiquer la montée en vibration. Cette pratique peut varier en fonction des préférences personnelles, alors n'hésitez pas à l'ajuster selon ce qui fonctionne le mieux pour vous. Durée suggérée, entre 10 et 20 minutes, mais vous pouvez l'adapter en fonction de votre emploi du temps. Préparation. Choisissez un endroit calme, trouvez un endroit tranquille où vous ne serez pas dérangé pendant la durée de votre pratique. Position, asseyez-vous dans une position confortable. Vous pouvez opter pour la position du lotus, du demi-lotus, ou simplement vous asseoir sur une chaise avec le dos droit et les pieds à plat sur le sol. Respiration, commencez par quelques respirations profondes pour vous détendre. Inspirez lentement par le nez, retenez votre souffle pendant un bref instant, puis expirez lentement par la bouche. Répétez ce processus plusieurs fois. La pratique. Focalisation sur la respiration, pendant quelques instants, portez votre attention sur votre respiration. Remarquez le rythme naturel de votre souffle entrant et sortant. Cela vous aidera à vous ancrer dans le moment présent. Visualisation de la lumière, imaginez une lumière blanche ou dorée brillant doucement au-dessus de votre tête. Visualisez cette lumière comme une source d'énergie pure et positive. Montez en vibration, à chaque inspiration, imaginez que vous inspirez cette lumière énergétique par le sommet de votre tête. Visualisez-la descendant lentement à travers votre tête, votre cou, vos épaules, et ainsi de suite. À chaque expiration, imaginez que vous relâchez toute tension, négativité et stress, qui sont expulsés de votre corps sous forme d'ombre. Balayage du corps, continuez à visualiser cette lumière en train de traverser chaque partie de votre corps, de la tête aux pieds. Prenez votre temps pour vous concentrer sur chaque partie, en ressentant l'énergie positive qui remplit chaque espace. Élévation de l'énergie, au fur et à mesure que cette lumière énergétique passe à travers chaque partie de votre corps, imaginez que vous vous sentez de plus en plus léger, énergique et vibrant. Sentez-vous enveloppé dans une aura de positivité et d'énergie. Chant intérieur ou affirmation, si vous le souhaitez, vous pouvez répéter mentalement des affirmations positives ou des chants intérieurs qui renforcent votre énergie et votre bien-être. Par exemple, je suis rempli d'énergie positive ou je suis en harmonie avec moi-même et le monde qui m'entoure. Retour progressif, lorsque vous sentez que vous avez atteint un niveau satisfaisant d'énergie et de vibration positive, commencez à ramener votre attention à votre respiration. Prenez quelques respirations profondes pour venir doucement à votre état présent. Gratitude, avant de conclure, prenez un moment pour ressentir de la gratitude pour cette expérience. Remerciez-vous d'avoir consacré du temps à votre bien-être. Ouverture des yeux, ouvrez lentement les yeux et prenez un moment pour vous ajuster à votre environnement. Rappelez-vous que la montée en vibration est une pratique personnelle et subjective. Vous pouvez ajuster les détails en fonction de ce qui résonne le mieux avec vous. Avec le temps et la pratique régulière, cette méthode peut vous aider à augmenter votre niveau d'énergie, à réduire le stress et à cultiver un sentiment de bien-être global. Page 6, section 4, nous allons explorer la puissance de l'intention et de l'attention. Page 6, section 4.